Alléluia. Amen. Que l'honneur et la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Heshima na utukufu irudie kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous demande de vous lever pour prier. Mina milomba msimame juu ya kuomba. Prions tous. Tuombe sisi wote. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles pour la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre des Romains. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Bien-aimés frères et sœurs, bapendwa nduku na dada, chaque jour lorsque nous venons à l'église, kila siku wakati tunakuja kanisa, nous ne venons pas ici pour occuper un banc ou occuper une place à s'asseoir. Atukuya hapa tunja kutafuta fwashi tuikale. Mais nous venons à l'église, lakini tunakuja kanisa, c'est pour nous préparer. Ni njoo ya kujitayarisha. Lorsque nous venons à l'église, c'est parce que nous avons des faiblesses, nous avons aussi des défauts. Nous avons des imperfections. Et en venant à l'église, nous venons pour nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant les salis de nos âmes. Et chacun de nous doit s'examiner. Parce que vous devez savoir qu'un jour nous serons devant la barre du jugement. Et vous devez être bien informé. Que tout ce que nous faisons ici la terre, un jour nous aurons à répondre devant Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et ce soir, nous avons un petit sujet que nous allons partager par l'aide du Saint-Esprit. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de la correction. Et la Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et si nous sommes jugés par le Seigneur, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être jugés avec les gens de ce monde. C'est pourquoi Dieu nous juge par sa parole. Dieu nous parle d'une manière en fait que chacun de nous puisse chercher à améliorer sa façon de vivre ou de se comporter. Les actions secrètes des hommes. Misala ya kobombama ya batu. Matendo ya siri ya batu leba unafika. Batu basala kama kamo mingi ya mabe. Batu leba unafanya mambo ya mingi ya mubaya. Mais ils ne le font pas dans le lieu public. Lakini ya wafanya ke fafazi ya batu boti. Et souvent ceux qui ne font pas les mal dans le lieu public, ce sont les gens qui se prétendent être des chrétiens. Parce que les païens n'ont pas honte de commettre le péché. Parce qu'un pécheur ne pêche plus. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, il a la connaissance de la vérité. Mais s'il est emporté par les mauvais sentiments, s'il veut faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu, kama anapenda kitu kia il va chercher un endroit moja, où se cacher kufichama, et commettre le péché. Na kutenda les et s'il lorsqu'une personne lakini wakati muntu pense que Dieu ne le voit pas anawazia se Mungu ashimone si pense que Dieu n'est pas là anawaza se Mungu anapo il fait toutes choses mauvaises et kunafanya vitu vyote vile vya bibaya il injurie anachambulana il convoite les femmes anatamania banamuke il fait toutes les péchés de ce monde anafanya le manzambi yote mwingi parce que pour lui sababu kwake yeye il pense que Dieu ne le voit pas anawazia se Mungu ashimone il est en sécurité na yuko katika ukingo de faire tout ce qu'il fait. Mais vous n'êtes pas dans la confusion. Vous êtes un peuple bien averti. Et notre Dieu, avant d'envoyer le jugement sur la terre, il envoie toujours un avertissement. Et Dieu nous avertit par sa parole. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons surpris ces jours-là. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas vous cacher la vérité. Nous devons vous dire la vérité. Parce que les jours du jugement, pour que personne ne puisse pas dire, frère Josué, toi tu étais venu chez nous à Kambo. Pourquoi tu n'avais pas dit que, au jour du jugement, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait en cachette, sera mis en public, sera dévoilé, et je serai là devant Dieu, et je verrai toutes les mauvaises actions que j'avais commises dans les lieux secrets. Alors, Dieu nous donne sa parole pour nous avertir. Alors, mes frères et sœurs, la Bible dit que au jour du jugement, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tout ce que font les hommes et les femmes. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, nous avons des hypocrites dans nos assemblées et nous ne pouvons pas vous donner l'espoir d'aller au ciel. C'est Dieu qui a créé le ciel. Mais avant d'aller au ciel, il y a des conditions à remplir. Vous devez vous conformer dans la parole de Dieu. Vous devez mettre votre vie en règle. En conformité. Par les écritures. Namandiko. Alléluia. Amen. Alors ne soyez pas choqués, mes frères. Mais Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Dans la version parole vivante, il est écrit. On le verra bien. Bataillon à Mouzuri. Le jour du jugement. Chiku ya hukumu. Selon la bonne nouvelle que j'annonce. Fatana habari njema ni unatangaza. Ce jour-là. Il est siku. Dieu jugera par Jésus-Christ. Mungu atahukumu kupitia Yesu Kristu. Tout ce qui est caché. Yote le kwenye kuficha. Dans la vie des gens. Mu maisha ya bantu. Tout ce qui est caché dans mon cœur, que vous ne le connaissez pas, mais il y a quelqu'un qui le connaît. Dieu connaît mon cœur. Même vos anciens ne vous connaissent pas. Ils voient vos visages, ils connaissent vos noms, mais ce que vous faites en cachette, ils ne le connaissent pas. Mais vous devez comprendre, vous devez savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui connaît toutes les mauvaises actions et nous faisons. Et nous aurons à répondre au jour du jugement. Qui doit échapper le jugement de Dieu, mon frère? Parce que frère Bana me dit, au jour du jugement, quand tu seras là, lorsque Dieu va te demander, Josué, Joshua, tu n'avais pas menti, aukulandake? En ce moment-là, clairement, je vois comme la télévision. L'air est le moment où j'étais en train de mentir. Même la télévision nous prouve, frère. Il y a une caméra là-bas. Et moi, je me tiens ici. Mais regardez mon image là-bas. Et Dieu a un grand caméra. Les caméras invisibles. Que vous ne pouvez pas voir. Et ces caméras-là. Les caméras. Elles ont confirmé. Mambo tu au salaka. Mambo yote kunafanya. Même dans la chambre à coucher. Dieu te voit. Alors ne pensez pas que comme bato baza wanate, bato tu es libre uru, de faire n'importe quoi et après de faire commettre toutes sortes de péchés. Tu viens à l'église, tu commences à danser, tu peux danser. Oui, si tu danses en esprit, que Dieu soit loué. Si tu mènes une bonne vie chrétienne, parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ce sont ceux-là les fils de Dieu. Chanter avec joie, prier pour la gloire de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut une vie sanctifiée. Dieu veut avoir un peuple sanctifié. Un peuple différent. Un peuple saint. Parce que lui-même est saint. Alors mon frère, ne te trompe pas. Ne soyez pas un hypocrite. Soyez un enfant de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Et la Bible dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Ne jouez pas comme un agent de, comme les gens là de théâtre. Les comédiens là. Non, frère. Un chrétien. Azala kana double vité. Azala kana bimoko. Même si quitte Kambo. Il va Kinshasa. Il va en Angola. Il est toujours chrétien. Il mène toujours la même vie chrétienne. Il mène ici à Kambo. Mais aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs. Lakini leo tuna banduku na badanda. S'il fait un voyage. Kama na tsafiri. Il arrive quelque part. Anafika fazi moja. Pour lui. Kwa yeye, récréation. Sasa mkucheza sasa. Pepe. Anapata kumpepo. Afanye mambo yote mubaya. Mimi bisiko kokende wana. Atafuashile kule utaenda. Je ela. Mungu kwako. Alleluia. Amen. Dieu jugera hukumu, par Jésus-Christ hein, les actions matendo, secrètes des hommes il y a siri ya batu, et des femmes. Na banamuki. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit ceci dans sa prédication. Pourquoi prêcher le 26 juin 1963, paragraphe 89. Mais Dieu, lakini Mungu, jugera le monde. A-t-il dit par Jésus-Christ? Alisema kupitia Yesu Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Na Yesu Christu ni neno. Et la parole est Dieu. Na neno ni Mungu. Et il est jugé par cette Bible. Na atayukumu kupitia Biblia. Quand ceci est la parole de Dieu. Sababu hii ni neno ya Mungu. C'est le talent de Dieu. Ni na, kipimo ya Mungu. C'est le talent de Dieu. Ni njoo kipimo ya Mungu. Nous devons prendre ce que la Bible dit. Tunapasha kubeba kile Biblia nasema. Comme une autre unité de mesure. Sawa pashe kupimia. Dieu ne jugera pas le monde. Mungu ashitahukumu dunia. Par cette assemblée ici. Kupitia hii makutano hapana. Il ne jugera pas le monde. Ashitahukumu dunia. De l'assemblée, ou par une autre église, ou par un prophète, mais Dieu du ciel, lakini Mungu akumbingu, jugera le monde atahukumu bantu, par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Christ. Et Jésus-Christ na Yesu Christ est la parole. Ni neno. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a aimé le monde, wakati Mungu alipenda dunia, il a donné son fils unique, alituma mwana wake wa pekee, afin que kusudi, quiconque croit en lui yeyote anaamini ndani yake, ne périsse point, ashikufwe, mais qui est la vie éternelle. Lakini apate uzima. Et la Bible contient quoi? La Bible n'endera kusema. En effet, wakua, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde. Wa shitume mwana wake ndani ya dunia. Pour qu'il juge le monde. Jua kwa kumu dunia. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Lakini njoo dunia ipate kokolewa kupitia yeye. Si vous rejetez Jésus-Christ, kama unamkatala Yesu Kristo, tu seras perdu. Utapote. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Le salut se trouve pas dans une église. Mais le salut se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Na Yesu Christu ni neno. C'est pour cela, frère. Njoko mana banduku, tu n'iras pas en enfer. Utaenda mumoto, parce que tu es un péché. Sababu kumtenda zambi. Mais tu iras en enfer. Utaenda mumoto, parce que tu rejettes Jésus-Christ. Sababu unamkatala Yesu Christu. Pour rejeter unakatala toutes les dispositions maali yote que Dieu a prises ile Mungu alibeba pour que les hommes échappent à l'enfer. Et le chemin Nanjia que Dieu a placé devant les êtres humains pour éviter l'enfer, c'est Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Na Jésus-Christ ni nen. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ ni Njia. Il est la vérité. Eko kweli. Il est aussi la vie. Eko tena buzima. Marchez dans la parole de Dieu. Tembeni ndani ya neno ya Mungu. Alors ben mes frères. Sasa bapendwa nduku. Frère Branham. Ndugu Branham. Notre prophète messager, Nabi wetu mujumbe, dans la prédication, allez réveiller Jésus, il dit encore quelque chose. Anasema kote na kitu kingine. Paragraphe 32. Prêché le 3 novembre 1963. Enfin, Dieu jugera le monde par Jésus-Christ. Je crois que nous serons jugés par cette Bible. Il dit, je crois que nous serons jugés. Lui aussi, il sera jugé. Non pas par les branchies, mais par cette Bible. Nous serons jugés par cette Bible. Eh bien, Dieu Mungu ne peut pas être juste hawezi kuwa mwenye haki comme nous le croyons vile chetu tunayamini et souverain tel qu'il est na mutawala paka vile et manquer d'avoir un étalon na kukosa kuwa na kipimo kimoya par lequel nous serons jugés kupitia kile kipimo tutahukumiwa. C'est pour cela njo kwa maana Frère Branham dit que la Bible nasema Biblia c'est l'étalon de Dieu njo kipimo ya Mungu et nous devons prendre na tunapasha kubeba ce que dit la Bible kile Biblia nasema comme notre unité de mesure sawa kitu kietu kile tunapasha kupimia hapo vitu vyote nous devons contrôler toujours notre vie par rapport à la parole de Dieu que nous écoutons et le message du temps de la fin, c'est la lumière, la lumière au temps du soir, et cette lumière nous éclaire pour ne pas marcher dans les ténèbres mais marcher dans la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui du jugement, même moi, même les hommes de Dieu qui sont là, nous aurons à répondre. Moi j'aurai à répondre pour ce que je prêche et de la manière dont je suis en train de vivre. Ce n'est pas le fait d'être un prédicateur qui me fait échapper le jugement. Je dois affronter le jugement. Mais avant que j'aille d'abord devant la base du jugement, chaque jour, je dois examiner ma vie par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même notre prophète, Atanabi wetu mwenyewe, un jour, il est derrière des rideaux du temps, il était accueilli par les frères et sœurs. Mais après tout cet accueil, Frère Branham a dit, je vais voir Jésus. On lui a dit, non, tu ne le verras pas maintenant. Tu ne peux pas le voir maintenant. Il est en haut là-bas. Mais lorsqu'il viendra, il viendra d'abord vers toi et tu seras jugé. Et cette parole avait un peu bousculé Frère Branham. Moi, Branham, être jugé. Ni Branham, ni sambisho. Oui. Tu seras jugé. Ou ta sambishwa. Pour tout ce que tu as prêché. Ah bon? Alors, est-ce que Paul aussi sera jugé? Oui, Paul aussi sera jugé. Asemandio, Paul, on a ta sambisho. Ah, ok. Si Paul sera jugé, kama Paulo atasambishwa, moi aussi je serai jugé. Alors si les chiens de Paul entreront, les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché comme Paul et j'ai baptisé comme Pierre. Na miri batiza sawa Petro. Donc Frère Branham se tenait dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a dit n'ajoutez rien, ne retrachez rien de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous serons jugés par cette Bible. Alors mes frères et sœurs, il faut toujours chercher à identifier ta vie par rapport à la Bible. Ne te comparez pas avec un frère ni sœur. Mais regarde-toi toujours ce que tu fais là. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alors lisons les Écritures. Tous sommes basi mandiko. Dans le livre des Hébreux, nous quittons Hébrania. Hébreux chapitre 12 ouvert et chapitre 4 verset 12. Hébrania sura kia ine mstari 12. Car la parole de Dieu est vivante. Sababu neno ya Mungu iko efficace. Ya nguvu. Prix tranchant qui ne peut quelconque à des tranchants. Ya makari kupita hata kipanga cha makari ngambo mbili. pénétra jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointier Moël. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ni créature n'est cachée devant lui. Mais tout yake. Est ni. Et a découvert na biakonoka na aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ya ule shebote, tunapasha kusamba. Alléluia. Amen. Aux yeux à qui nous devons ya ule she, tunapashwa rendre compte. Kusamba. Oui, frère. Dio, tout ce que nous faisons, biote, betu, kunafuanya, nous rendrons compte. Tutabisambiaka. Et Jésus-Christ a dit na Yesu Christo alisema, dans la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Dans Matthieu, kitabu ya Matayo, pas seulement ce que nous faisons, na pa en acte, na matendo, mais même en parole, ata mu misemo yetu, les vaines paroles ma misemo ya bule qui bule, sont de nos bouches. Ile unatoka mbinyo yetu, la Bible dit, Biblia nasema, dans Matthieu chapitre 12, mu Matayo sura ya 12, verset 36, mustari makumi tatu na sita, je vous l'ai dit, mine miambia, au jour du jugement, mushiku ya ukumu, les hommes me rendront compte. Batu batasambaka, de toutes tes paroles vaines, ils auront proféré au jour du jugement. Les hommes me rendront compte pour toutes les paroles vaines, les paroles vulgaires, les choses bizarres que tu prononces contre les serviteurs, contre les frères, contre les sœurs, même les mensonges, tout ce que tu fais là. Au jour du jugement, tu rendras compte. Et aujourd'hui, leo, nous avons des frères et des sœurs rapporteurs qui causent des troubles, des divisions, des séparations parmi les frères et sœurs. Des rapportages. Au jour du jugement, les hommes me rendront compte pour toutes les vaines paroles qu'ils auront proférées. Verset 37, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est pour cela, frère, examinons-nous et améliorons notre façon de se comporter et de vivre. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Nous pouvons être trompés par votre apparence, mais Dieu ne peut jamais être trompé. Tu ne peux pas tromper Dieu. Oui, frère, même ta propre conscience, tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Tu sais qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, tu connais. Mais avant qu'il ne soit trop tard, mettez ta vie en ordre, revenez à l'obéissance de la parole de Dieu et craignez Dieu. Un jour, l'homme de Dieu, Samuel, il était trompé comme tout autre homme. Oui. Nous pouvons être trompés. Comme Samuel. Samuel chapitre 16. Samuel, verset 6. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu a envoyé Samuel dans la famille d'Isaïe pour oindre l'aide de ses fils. Mais lorsque Samuel est arrivé, il devait d'abord entendre ce que Dieu devait lui dire. Mais comme c'est un homme, en voyant seulement l'apparence d'Eliab, écoutez ce que Samuel avait dit. Lorsqu'il entra, il s'est dit, anasema, envoya Eliab. Mukumona Eliabu, certainement, akika, il a confirmé. Asema, ari akikisha, certainement, asema, akika, loin de l'Éternel, ici devant lui. Mupakali wa milele kwa hapa mbele yake. Ça, c'est l'homme. Hii ni muntu alisema. Certainement. Akika. Loin de l'Éternel devant lui. Mupakali wa celui-ci vraiment, c'est un saint homme de Dieu. Akika wa mtumishi wa mtakatifu wa Mungu. C'est une fille de Dieu. Ni binti wa mzuri wa Mungu. C'est un fils de Dieu. Ni mwana wa Mungu. Ça c'est nous les humains. Ile ni shema mais Dieu ne commet pas de fautes et des erreurs. Mungu afanyike makosa. Parce que Dieu regarde au cœur. Lakini Mungu anaangalia ni kumwona. Et la vérité. Na ukweli. Corrige toujours l'erreur. Iko na nyorosha paka makosa. Dieu ne coupe pas les saisons serviteurs. Na Mungu akuweza kuacha mtumishi wake. Aingize mkosa. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Quand je l'ai rejeté, Samuel pouvait se poser la question, Seigneur, pourquoi tu l'as rejeté? Il est beau, il est élégant, il est bien instruit, c'est l'homme qu'il faut. Il remplit les conditions. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Quand je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. L'Éternel regarde au cœur. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, les dieux qui sont les rêves de cœur, les dieux qui regardent au cœur, s'ils regardent à ton cœur, qu'est-ce qu'ils voient à ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui sort dans ton cœur? Est-ce qu'il y a la parole dans ton cœur? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a la crainte dans ton cœur? Est-ce que tu dis la vérité dans ton cœur? Tu dis la vérité dans ton cœur? Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Nous nous jugeons sur les apparences. Mais Dieu regarde au cœur. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ils verront Dieu, Matthieu chapitre 5 verset 8, c'est ça, c'est que dit la Bible. Et restent ceux qui ont le cœur pire. Quand ils verront Dieu, est-ce que ton cœur est pire? Tu as toujours des rancunes, tu as des querelles, des animosités. Mon frère, ma soeur, purifiez ton cœur d'image. Cherchez le Saint-Esprit, cherchez la vie de Dieu, car la venue du Seigneur est proche. Disons encore avec moi. Disons. Job. Yobu. Disons le livre de Job. Prenez le livre de Job. Mubebe kitabu ya Yobu. Job est 34. Yobu makumi tatu na ine. Verset 21. Mustari makumi mbili na moja. Job 34 verset 21. Yobu makumi tatu na ine mustari la Bible dit ceci. Mbili na moja, Biblia inasema hivi. Quand Dieu voit la conduite de tous. Kwani Mungu anaona mwenendo ya watu wote. Dieu voit la conduite de tous. Mungu anaona mwenendo ya watu wote. Il a le regard sur le pas de chacun. Eko na macho ya kuangalia matu ya kila mtu. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puisse se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dans les églises aujourd'hui, il y a l'impudicité parmi les frères, parmi les sœurs. Il y a des frères mariés qui commettent les adultères, même les sœurs mariées aussi. Mais ne pensez pas que lakin si ton mari ne connaît pas, que Dieu aussi ne connaît rien. La Bible dit, ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puisse se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Tu n'as pas un endroit à se cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant votre église, mais non pas devant le Seigneur. Le Seigneur te connaît. Et si tu es un enfant de Dieu, répands-toi, mon frère. Ne continuez pas à cette vie-là. C'est la vie de la mort. Écoutez, Mushiki. Dieu n'a pas besoin. Mungu na lazima. Dieu Mungu. N'a pas besoin d'observer longtemps. Ana lazima kuangalisha muda mrefu. Pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Kusudi mtu apate kuingia mkusamba pamoja naye. Dieu n'a pas besoin d'entendre. Mungu ana lazima kuchunga. Parce qu'il connaît. Sababu anajua. Mais si tu fais le mal. Lakini kama unafanya mabaya. Na Mungu anakuacha. C'est parce qu'il est écrit. Ni kwa sababu imeandikwa. Dieu ne se réjouit pas de la mort de celui qui meurt. Il ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Mais il veut que les pécheurs puissent se repentir pour qu'ils vivent. Et la Bible dit, la patience de Dieu, c'est pour notre salut. Dieu est patient. Il peut te punir. Parce que même mes frères, ce n'est pas la quantité du péché qui compte. Ananias et Saphira, c'était au titan de la grâce. Ils avaient seulement menti. Ils n'avaient pas menti deux fois, trois fois. Une seule fois seulement. Et Ananias a menti. Ananias Irlanda. Et il était mort. Saphira aussi. Saphira na epia. Elle a menti. Elle était mort. Mais toi, avec tout ce que tu fais là, les crimes que tu fais, les avortements, les masturbations, les crimes qui volent même les biens de gens, mais si Dieu te laisse en vie, parce que Dieu veut que tu puisses changer. Mais la patience de Dieu n'est pas une faiblesse. Un jour, la patience de Dieu va s'épuiser. Oui, frère, Dieu est amour. Il est patient. Mais n'abusez pas la patience de Dieu. Je vous dis la vérité. En tant que votre frère. Alléluia. Amen. Oui, frère bien-aimé. Lisons encore les Écritures. Prenez le livre de Psaume. Tu viens chaque jour à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu retournes. Et tu commences à se méconduire. Comment ça? Dieu à Ninive. Psaume 139. Zaburi 139. Commençons au premier verset. Tuanzie mstari wa kwanza. L'Éternel, wa milele, tu me sondes unanichunguza et tu me connais. Na unanijua. Tu me sondes et tu me connais. Unanichunguza na unanijua. Tu connais tout ce que moi j'ai fait. Unajua vyote vile ninafanya. Mes frères ne me connaissent pas. Banduku yangu wanijue. Mes sœurs ne me connaissent pas. Wabanijue. Mon pasteur ne me connaît pas. Mais toi, tu me connais. Parce que tu me sondes. Tu sais quand je m'assis. Et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et tu sais quand je marche. Et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que Dieu. Que déjà, ô Éternel, Amilele Mungu, tu le connais entièrement. Alléluia. Amen. Avant que la parole soit dans ma langue, neno kwe palurimi yangu, tu le connais entièrement. Kabisa, c'est kabisa. Pour cela, vous voyez, frère, nous les enfants de Dieu, chaque fois, kila mara, lorsque tu es devant quelque chose de faux, kitu kiabongo, lorsque tu vas faire quelque chose de mal, wakati ufanya kitu kibaya, il y a toujours un esprit, kuko paka roho moja, une voix sauti moja, intérieure. Yandani. Cette voix-là, ile sauti, c'est ça la voix de Dieu. Jo, sauti la voix du Saint-Esprit sauti ya roho mtakatifu, qui te dit, inakwambia, ne faites pas ça. Ne volez pas. Apana kuiba. Pas même de voler. Parce que Dieu connaît les secrets et les pensées du cœur. Et Dieu nous avertit toujours, frère. Avant que la parole soit de ma bouche. Avant que je puisse mentir. Avant que je puisse convoiter. Tu connais entièrement. Et Dieu nous dit, ne fais pas ça. Toi, tu es la foi de Dieu. Vous voyez, frère. Écoutez. Mushiki. Tu m'entoures par derrière et par devant. Huko ni nzunguka kumkongo na kumbele. Tu m'entoures par derrière kumkongo et par devant. Na kumbele. Ça veut dire que tu es devant moi. Ukisema kumbele yangu. Et tu es derrière moi. Huko tena nyuma yangu. Et tu mets dans ta main. Non. Tu m'entoures par derrière par devant. Unizunguka kumbele na kumkongo. Et tu mets ta main sur moi. Na unaweka mkono yako yulu yangu. Je saute un peu. Je prends le verset 7 pour gagner le temps. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, qui est? Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Comme Jonas, il passait fuir loin de Dieu. Mais Dieu envoyait le vent, il envoyait la tempête. Jusqu'à ce que Jonas a déclaré, je sais, c'est moi qui tire sur vous, c'est moi qui ai la base de tous ces vents-là. Alors prenez-moi, jetez-moi dans la main et le vent se calmera vers vous. Mon frère, nous n'allons pas te jeter parce que tu as commis une faute ou tu as commis une erreur. Mais confessez ton péché. Confessez ton péché. Mets ta vie en ordre. Et la colère de Dieu se calmera vers toi. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme les jours et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Amen. Tu es dans la chambre. Le parent pense que tu es déjà au lit pour se reposer, pour dormir, avec ton téléphone Android, qui est déjà l'abonné, des sites là, les pages là qu'on envoie les films de pornographie. Tu passes toute la nuit à regarder ces films là, les films de pornographie. C'est ce que tu nourris ton âme. Tu n'as même pas le temps de prier pendant la nuit, mais tu prends tout ton temps pour regarder ces choses bizarres. Et c'est ce qui vous conduit à l'impiété et à la convoitise. Bien aimé frère, Dieu veut notre sanctification. Pas seulement la sanctification de notre corps, mais notre âme, notre esprit doit aussi être sanctifié. Oui frère, parce qu'il y a le suie de l'âme, il y a aussi le suie du corps et la suie de l'esprit. Vous suivez ton esprit. Allez, mon frère, je pensais. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, au jour du jugement, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est pour cela, frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Dans la prédication, le message de grâce, prêché le 27 août, 1961. Matin. Paragraphe 122. Mais vous ne pouvez pas vous cacher aux yeux de Dieu. Il sait ce que vous pensez maintenant même. Ah, c'est frère Josué là, il est venu d'où? Pourquoi passer lui a donné la chair? Il arrête qu'il parte, laisse-le tranquille. Dieu connaît ton cœur. Ma sœur, tu peux m'haïr aujourd'hui, mais dans la gloire, tu m'embrasseras. Parmi les gens qui n'aimaient pas frère Branham, si tout le sait, ils accusaient beaucoup frère Branham. Que frère Branham n'aime pas les soeurs, il parlait toujours contre les soeurs. Mais lorsque ces soeurs là, ils étaient convertis, tant que frère Branham, à quel assise dimanche, notre précieux frère, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, mais nous ne serions pas ici. Mais quand la parole de Dieu, même les a dit, mais c'est pour notre bonheur. Quand il n'a pas été parce qu'il a dit, c'est un père qui vous aime. Oui, frère. La peine. Frère Branham me dit, il faut éviter d'aller dans ces liens. Ami, je vais faire la repasser. Je vais repasser. Et ça coûte bien. Il n'y a aucun affaire. Parce qu'il y a ça qui est grâce. Il a visité les deux endroits. Il a visité l'enfer. Il a aussi visité la sixième dimension. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait ma joie, frère, c'est lorsque frère Branham, il était encore sur la terre. Il n'avait pas encore terminé le travail. Mais Dieu lui a amené pour visiter la sixième dimension. Et il a vu les gens qu'il avait prêché. C'est le même message que nous vous prêchons, frère. Il est là les trouver là-bas. Alléluia. Ce message est la vérité, frère. Il a vu les frères. Il a aussi vu les sœurs. Vivre message aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nataka simple instrument. Niko tu chombo ya bule. Pona destruction na yote. Ana njo kuharibu. Me pona edification. Lakini njo kujengwa. Ya foi chrétienne nayo. Ya njia ya Kikristo ya. Leza bien. Mazabu mzuri. Me soko kena fer. Mbingu kumzuri kama unaenda muadeza ni wewe mwenyewe. Oui frère. Ndio banduku. Vous ne pouvez pas vous cacher devant aux yeux de Dieu. Il sait ce que vous pensez maintenant. Il connaît vos pensées. Car il est Dieu. Le Saint-Esprit qui est dans le bâtiment ce soir connaît vos pensées. Qui vous êtes? D'où vous venez? Ce que vous avez fait. Quand Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors frère Branham me dit quelque chose. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêchez le 22 août 1965. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour que motomoko te aya ko échappé apate ko epuka na jour ya jugement shikula hukumu zamba sala chaque moto Mungu alumba kila mtu botami wakati nazaliko azali na bande na ye eko na bandi yake moyo diske na ye diske yake moyo ya maisha yake yote pour te jour ya jugement kusudi shikula hukumu maisha yake yote eza enregistré ba beko na ibamba eba kocha yangonde bozo mona wana na bateweka paka vyo unaona ku ekran. Télévision, caméra, c'est une image. Caméra, il va diriger ma image. Tu vois, tu vois là-bas. On a sur le chemin de l'école. Mungia kumasomo. Dans les voyages. Mule masafa. Dans la maison. Mule munyumba. Si les gens ne sont pas là. Kama bato bana. Ce que tu fais là. Biote bile kunafanya. Tango zoi bame biloko ya ndako. Wakati unabeba vitu vya munyumba. Dieu te voit. Mungu kunakuona. Repens-toi. Tubu. Écoutez. Mushiki. À votre naissance. Paragraphe 64. Nukta yake makumi sita na ine. À votre naissance. Mukuzali kwa kwako. Dieu met un disque. Mungu unabeba disque moya. Il met un disque. Anaweka disque. Mais pendant un moment. Lakini wakati mwa fulani. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Aifanye mala makelele ya mingi. Vous savez? Unajua? Parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Sababu ni mtoto mchanga. Jusqu'à ce que vous ayez arrivé à l'âge de la raison. Kufika na pale utafika mukimu kia buntu mwa kwenyana. Yango tupata bala mikete. Alina ya batu batoto hapana. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les petits enfants. Et hapa tubatize batoto. Parce qu'ils n'ont pas de péché. Jua bana na zambi. C'est alors que le bruit commence. Jo pressa ma makelele na. La personne se met à dire des choses. Muntu anaanza kusema bitu. À faire des choses na kufanya mabitu, dont il doit répondre na pasha kusamba, Et puis, na kisha, lorsque la vie de cette personne s'est terminée, shiku maisha yale mtu tashimama, ce disque, ile mapicha yote baribamba, ou cette bande magnétique, ile bandi yote baribamba ya maisha yake, banaitosha, et placé dans l'immense bibliothèque de Dieu. Na banaweka mule duga mkubwa ya Mungu inachukua kama bibi. Na nduko remo. Nzamba retire bande na ye. Mungu anatosha bandi yake na weka pembeni utasamba. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu avais fait. Dieu a biote berufanyaka. Pour toi-même. Dieu a kuwe mwenyewe. La Bible dit Biblia nasema bandi. Le fils mwana ne portera pas ashita beba l'iniquité de son père. Uovu ya baba yake. Ni le père. Au baba. L'iniquité de son fils. Uovu ya mtoto yake. Car toute âme sont à moi. Sababu manafsi yote ni yangu. Toutes les âmes sont à moi. Manafsi yote ni yangu. L'âme du père. Nafsi ya baba. Comme l'âme du fils. Hata nafsi ya mtoto. Et l'âme qui pêche. Na nafsi natenda dhambi. C'est qui mourra. Joel itakufa. Ne pensez pas que ton papa. Hapana kuwaza se baba yako. Qui sera là au jour du jugement pour répondre à ta place. Atakuwa pale siku ya hukumu ya kujipa fasi. Qui répondra toi-même. Wewe mwenyewe utasamba. Toi qui viens ici. Wewe unakuya hapa. Parce que l'église était parents. Mais tu te fais mal. Si tu te comportes mal. Une fille impudique. Un garçon impudique. Tu seras jugé. Mes frères. Banduku, Dieu Mungu, vous aime. Anayokupenda. Parce que ce soir, mangari, il te parle comme un père. Comme le bon berger. Il te supplie. Répands-toi. Tubu. Avant ta mort. Mbele ya kufa. Parce que tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Hukumu ya Mungu. Écoutez. Musiki. Et comment allez-vous contourner cela? Na namna kani mutaepuka ile? À la barre du jugement. Kule ku baraza ya hukumu. Alors que sera joué à nouveau devant vous. Chaque pensée, que vous aurez traversé l'esprit. Voyez-vous? Et frère bien-aimé, au jour du jugement, les gens qui seront dessus, ce ne sont pas les païens, mais c'est un soi-disant chrétien. Lui qui se dit chrétien, mais qui se comporte mal, celui-là qui sera dessus, pour entendre son nom, dans l'enfer. C'est pour cela fait. Il y a beaucoup de gens qui disent toujours, frère, frère, ce n'est pas moi, frère. C'est le diable. C'est le diable qui m'a poussé de faire ça. Ce n'est pas moi. Vous pensez que le diable c'est un voyou? Vous pensez que le diable c'est un vaurien? Non, frère. Le diable c'est un séducteur. Le diable c'est un séducteur. Shetani yeye mtongozaji. Et le diable. Na shetani. Il est comme un vendeur. Eko sa ule mtu anauzisha vitu. Le diable c'est un commerçant. Shetani yeye ni tout le péché du monde. Mabitu, mazambi yote ya dunia. Lui il est le propriétaire, le maître. Jo mwenye nayo. De tout le péché. Ya mazambi yote. Et il vend ça. Na yeko nauzisha. Mes frères regardez. Sasa banduku si mwangali. Si un vendeur. Kama mkopozi. Eko nauzisha vitu yake. Si vous n'êtes pas intéressé. Kama wabiku wangali. Est-ce que vous allez demander le prix? Eh, tutakuwa kuliza tabei. C'est comme ça le diable. Jo vile shetani. Et au jour du jugement. Na shiku ya hukumu. Vous qui avez toujours l'habitude de dire. Mwomu una tabia kusema. C'est le diable frère. Ni shetani banduku. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Aina mie ni le shetani. Le diable aussi. Shetani na atasema. Va se défendre. Atenaye atajibu. Qu'est-ce que le diable va dire? Shetani atasema nini? Non, non, non, atasema pana bwana. Moi. Mie. Je propose. Mie ni kwa naletea tu. Mais je n'impose pas. Lakini mishi kazi shake. Je propose quelqu'un de voler. Mais je ne l'impose pas de voler. Lakini mishi mukazi shaibe. Je propose quelqu'un de mentir. Mais je n'ouvre pas sa bouche. Lakini mishi fungule kikiwe kiake. De forcer de mentir. Jua lande. Moi, je propose quelqu'un de mettre une femme, apate kupenda de coucher avec une femme, ya kulala naye, ou de coucher avec un homme. Awa, lale na mais moi, je ne déshabille pas. Aina, mimi, kama je ne force pas. Mishi mais je fais que proposer. Mina, mais c'est à lui de décider. Sasa, ni yewe, apate mpango, ou de refuser. Awa, katali. Ou est mon problème, le diable. Mambo yangu mie shetani kwapi. Alors, il dit que c'est moi qui l'a forcé. Anasema ni mimi mukazisha. De voler ou de prendre cette femme. Bon, Seigneur, mets d'abord le disque. Comme ça, nous allons regarder à la télévision. Le mets là. Il est main. Qui est en train de déshabiller cette fille? Il est mikono na vula le monamu. Est-ce que ce sont mes mains, moi, le diable? Et ni mikono yangu mie shetani? Ou ce sont les mains de ces soi-disant frères? Aho ni mikono ya huyu anasema na jita nduku. Nous allons voir. Tutaona. Parce qu'il m'acquise, moi, le diable. Sababu kuna nchongia mie shetani. Mais moi, lakini je ne l'ai pas forcé. Mishi kumukazishe. Je l'ai tout simplement proposé. Mimi nilikuwa tu kumwambia kumuonesha. Et c'est ce que moi j'ai fait. Na njo kile mimi nikunafanya. C'est de proposer les gens. Ni kuonesha tu mundu, mais je ne l'impose pas. Lakini mishi mukazishaki. Même toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Atamu Yesu Christu. Quand tu étais dans les déserts. Pale ulikuwa mujangu. Tu avais jeûné. Ulifungaka chakula. 40 jours, 40 nuits. Mashiku makumi, mais lorsque j'ai vu que tu avais fait. Wakati nilionaka ulikuwa na njala. Tu étais dans l'état de faiblesse. Ulikuwa mwali ya uzaifu. C'est en ce moment que j'ai profité. Ni mule wakati mimi nilifaidiaka. Njoo akuya kujaribu. Et proposé. Na kukuonesha. Je t'avais dit non. Nilikwambiaka. Si tu es un enfant de Dieu. Kama kumtoto wa Mungu. Si tu es le fils de Dieu. Kama kumwana wa Mungu. Ondona ses pieds. Ruhusu kuimajiwe. Ipate kuya mikate. Afa que tu manges. Kusudi upate kula. Est-ce que tu m'avais obéi? Et tu ulinitiaka lishiku. Ulisemaka nini? Il est écrit. Imandi que l'homme ne vivra pas du père seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'était trois fois, non? Il quoi mara tatu? J'avais fouillé. Vous voyez, frère, mouna le diable connaît les Écritures. Il ne croit pas la parole de Dieu, mais il connaît les Écritures. Lakini anajua mandiku. Mais toi, sasa we, bintu wa lorsque le diable est pour te proposer, wakati shetani anakuja kukuonesha, tu ne prends pas la parole de Dieu. Ubebe neno ya Mungu. Et la Bible dit, na Biblia nasema, soumettez-vous donc à Dieu, mujitishi basi kwa Mungu, mais résistez au diable, na mushindane na shetani, et il fuira loin de vous. Na atakimbia mbali na mwewe. C'est pour cela Dieu nous a donné sa parole. Ndio kwa maana Mungu atupatia neno yake. C'est pour résister au diable. Ndio kushindana na shetani banduku. N'obéissez pas. Mushiti aux propositions du diable. Ubile shetani wako kumionesha. Il propose toujours. Yeye kuna kwa tu nikumionesha bule. Shiku moye. Il entre. Aliniaka. Dans la femme de Potiphar. Moi bibi wa Potiphar. Cette femme est remplie de l'impudicité. Na ule mwanamke alijaziwa na. Demona la dictée de l'infidélité. Na mademona ya usharati. Elle est venue. Alikuyaka. Chez notre frère Joseph. Kwa nduku yetu Yusuf. Elle a collé Joseph. Ari bambaraka na Yusuf. Couche avec moi. Lala pamoja nami. Lala nami. Mais Joseph. Lakini Yusuf. Loin de ses frères. Mbari na banduku yake. Loin de son père. Mbari na baba yake. Il avait la crainte de Dieu. Lakini alikuwa na woga ya Mungu. Joseph vous dit non. Yusuf akasema pana. Je ne peux pas faire ça. Mishita fwa vili. Je ne peux pas faire ça. Shitaweza kufa vili. Il a couru. Na il a pris la fuite. Arikimbiaka. Yende mefse. Bapendo anduku. Yende mefse. Bapendo anduku. La Bible dit. Vivien oui, nasema, il y a l'impudicité. Mais toi, lakini sasa wewe, elle est venue elle-même. Yeye mwenyewe nduku alikuya tu. Je n'ai même pas prononcé un mot. Mishi kusema hata kitu. Elle-même. Yeye mwenyewe. Oh frère, oh, nduku, uko mwenyewe kutongozwa. Courage. Beba odari. Kuya mtu wa nguvu. Soyez un homme fort. Kuya kijana wa nguvu. Comme Joseph. Sawa Yusufu. Mais le diable lakini shetani nous propose toujours à commettre le péché, tupate kutenda zambi, à désobéir, tupate kukosa à la parole de notre Dieu, kuneno ya Mungu. Mais le diable lakini shetani ne nous impose pas. Yashi tukazishake. Jamais frère. Akamwe banduku. Est-ce que vous êtes ici? Eti mko hapa. Ah, continue à dire c'est le diable frère. Muendele kusema ni shetani banduku. Shetani. Si c'est à couvrir au jour du jugement. Utaonaka shiku yako. Se défendre. Shetani na hata samba. Alors mes frères et sœurs. Banduku na badad. Au jour du jugement. Shiku ya hukumu. Dieu jugera par Jésus-Christ. Mungu atasamisha kupitia Yesu Kristo. Les actions secrètes des hommes. Matendo ya musiri ya Mungu. Mais vous devez savoir une chose. Sasa unapasha kujua kitu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Tuko tungari kimu wakati ya neema. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Nous appelle. Inatuita. À nous repentir. Inatuambia tupate kutubu. Si Dieu nous parle. Kama Mungu anatuambia. Comme un père, parce qu'il nous aime, frère, et Dieu veut que nous puissions échapper le jugement. C'est pour cela, je vais lire des citations des prophètes pour terminer. Alors, mes frères et sœurs, dans la prédication, message de grâce, frère Bana me dit quelque chose là-bas, et nous allons lire. Vous savez que celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Proverbe chapitre 28 verset 13. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Cacher le péché ne pardonne pas le péché. Il faut confesser ton péché. Alléluia. Amen. Paragraphe 88. Et quiconque est disposé à se repentir, la grâce de Dieu viendra toujours sur lui. Quiconque est disposé à se repentir ce soir. Tu reconnais bien ton état maintenant. Tu vois clair ton péché. Alors ce que Dieu te demande, ne rentrez pas comme tu es venu, mais confessez ton péché. Regrettez pour avoir commis toutes ces mauvaises choses. Et repends-toi sincèrement. Et la grâce de Dieu viendra à ton secours. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu s'y abondé. Et cette grâce te cherche encore ce soir. Venez, confesse ton péché, mets ta vie en ordre. Viens déjà suyer, mais lave-toi dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu viendra toujours sur lui. La grâce de Dieu vous cherche. Ainsi ce soir, cela vient sur vous qui êtes rétrograde. La grâce de Dieu vous cherche encore. Si vous acceptez de vous repentir, la grâce de Dieu vous suffit. Alléluia. Amen. Je vais ajouter une citation dans la prédication. Dans sa présence, prêcher le 9-9, 1962 soir. Écoutez le conseil de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Je prends paragraphe 75. Maintenant, paragraphe 75. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime. Et je veux que vous m'écoutez. Vous m'écoutez maintenant. Comme un frère, il avait la coutume de dire, je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Et vous ne ferez rien que vous ne ferez pas dans sa présence. Parce qu'il veille sur vous. Voyez-vous, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il reste à vos côtés. Et il sait tout ce que vous faites. Alléluia. Amen. Il sait tout ce que vous faites. Pas seulement le mal. Même le bien quand il fait. Le Seigneur le sait. Mais Dieu ne nous interdit pas de faire le bien. Mais il nous interdit de faire le mal. Alléluia. Amen. Il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous vous apprêtez à dire un mensonge, ne le dites pas. Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Si vous vous apprêtez à tricher, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Si vous vous apprêtez à prendre le nom de Dieu en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Si vous vous apprêtez à fumer une cigarette, il vous surveille. Voyez-vous, nous avons coutume de chanter tout au long de la route. C'est le cantique que nous chantons aussi. Tout au long de la route, jusqu'à la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. Chaque pas que tu fais, ce grand œil, te surveille. Rappelez-vous, faites comme David. Si le diable vient pour te proposer de se livrer dans le péché, dis au diable, dis à Satan que je ne le ferai pas. Parce que mon Dieu me surveille. Il me voit. Même si le diable te trompe. Les gens ne sont pas là. Ils sont tous partis. Tu es resté seul. C'est maintenant le moment. Dis-lui, malgré les hommes ne sont pas là. Mais mon Dieu, il est toujours présent. Parce qu'il m'a promis, il sera avec moi, même à moi, jusqu'à la fin du temps. Je ne peux pas désobéir à la parole de mon Dieu. Alors, bien aimé, frère et sœur, craignons Dieu. Quand Dieu jugera tout ce qui est caché dans la vie des gens. Mais Jésus-Christ ce soir, il est notre avocat. Si vous avez commis le péché, repentez-vous. Et Jésus-Christ va vous défendre par son sang. Et il purifiera toutes sortes de vos souillures. Que le Seigneur vous bénisse.